Chapitre 13e, le complot se dessine. Ce matin-là, comme il avait neigé pendant toute la nuit, le sol disparaissait sous une couche blanche assez épaisse, et comme le ciel gris et pesant invitait à un repos prolongé, Delmont se leva tard, de méchante humeur, sans savoir pourquoi. Une lettre que lui apporta le courrier atténua cette fâcheuse disposition. Au Méhara qu'il avait écrite, il disait, entre autres choses, « Je vous avais laissé entendre précédemment que je ne tarderai pas à vous surprendre dans votre solitude. Je n'ai certes pas abandonné un projet qui m'est cher, mais je me vois dans l'obligation de le différer. La police anglaise m'a impliqué, à raison plus qu'à tort, dans cet attentat de Belfast dont vous avez certainement eu écho par les journaux. Sous menace d'extradition, j'ai dû quitter la France, passer les Pyrénées, me réfugier en Espagne où je promène à mes trousses de Santander à Farifa, de la Corogne à Alicante, les plus tenaces des détectives. Néanmoins, si obstiné qu'il soit, j'espère bien réussir à les dépister, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de secouer votre chère vieille main. » Delbon, ayant eu l'occasion d'éprouver les qualités de son ami, tenait la promesse pour sérieuse et, tout ragaillardi à l'idée de la visite proche, il voulut fumer une bonne pipe. Hélas, du paquet commencé la veille, ne subsistait guère que l'enveloppe grisâtre et la bande à la vignette dont le fisc les embellit. « Une promenade pour Bernard !» conclut l'ingénieur qui se mit à la recherche du domestique comptant l'envoyer au village, toute occupation cessante pour lui procurer du tabac. Il espérait bien le surprendre à la cuisine, sur ses casseroles, mais il ne découvrit personne. Peut-être Bernard était-il après tout monté dans sa chambre. Il appela, nul ne répondit. « Où diable peut-il être encore passé ?» s'inquiéta Henri. « Il est vrai que l'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ma foi, en route !» Une petite trotte avant midi, par ce temps froid, vaut le meilleur apéritif. Il sortit donc. Dès le seuil, il perçut sur la neige molle de fortes empreintes de galoches. Il les suivit naturellement, et d'autant plus volontiers qu'elles semblaient traverser le parc et aboutir à la petite porte. Il songeait, assez amusé. Transformons-nous provisoirement en dernier des Mohicans, ou, ce qui est moins démodé, déguisons-nous en Sherlock Holmes. Dommage que je n'ai point ma loupe. Je ne puis pourtant pas souhaiter qu'il m'en surgisse une sur le coup. Il me serait assez difficile d'en disposer utilement. Et porté à la plaisanterie, quoiqu'il fût seul, il remarqua. La campagne m'est profitable. Voilà que je prends de l'esprit comme un vaudevilliste du boulevard. Mais hors du parc, il hésita. Il était uniquement sorti pour se procurer du tabac. Et voilà que la trace des pas s'en allait dans une direction opposée à celle du village. D'autre part, une coquine de brume s'élevait à donner envie de se réfugier chez soi en compagnie d'un groupe bouillant. La curiosité l'emporta. Où avait pu se rendre Bernard? Qu'allait-il faire à l'école libre vers quoi sa piste se dirigeait? En s'approchant du bâtiment, l'ingénieur put discerner dans la brume qui s'épaississait une sorte de cube sombre, immobile, dont il devina que c'était une automobile arrêtée. Quelques préscience mystérieuses nous poussent parfois à prendre dans les circonstances les plus ordinaires de la vie des précautions, qui, à tout autre moment, nous sembleraient presque ridicules. D'instinct, Delbon enfonça son visage dans le col relevé de son pardessus, rabattit les larges oreilles de sa casquette et passa de l'autre côté de la lisière extrême de la route. La piste qu'il ne perdait pas de vue le conduisit jusqu'à la chapelle. Celle-ci avait deux entrées. Par la principale, donnant sur le jardin et que l'on discernait très bien à travers la grille, Delmont vit s'introduire un homme vêtu d'une peau de bique, le propriétaire sans doute ou le chauffeur de l'auto. La brume ne permettait pas, bien entendu, de distinguer ses traits. Sa fourrure ne permettait pas davantage de se rendre un compte exact de sa tournure. Néanmoins, Delmont avait l'impression confuse que le personnage ne lui était pas inconnu. Très intrigué, l'ingénieur s'introduisit donc par l'autre entrée percée dans un des bas-côtés et put, grâce à ses caoutchoucs, atteindre, dans un silence complet, un des piliers derrière lequel il se dissimula dans l'ombre. De cette cachette, il pourrait surprendre la conversation de l'inconnu et de Bernard, car c'était Bernard, en effet, qui, arraché, paraissait-il, à quelques méditations pieuses, s'en venait rejoindre l'arrivant. Les choses se corsaient. La partie était devenue intéressante. Aussi Delbon prêta-t-il l'oreille avec l'attention qu'on devine. Les circonstances, au demeurant, le favorisait jusqu'ici. La peau de bique, qui semblait décidément aimer ses aises, s'était justement adossée au pilier voisin de celui derrière lequel l'ingénieur s'était étroitement tapi. Ce fut Bernard qui entama. « Comme ça, monsieur Tapabord, vous désiriez m'entretenir ?»« Tapabord !» murmura Delbon. « Je m'en vais en apprendre de belles. » S'il est vrai que l'espionnage est fréquemment un sale métier, il n'en est pas moins instructif pour la jeunesse et l'âge mûr. « Tu n'as pas besoin de gueuler ainsi mon nom, » fit aussitôt le notaire sur un ton fâché. Sans paraître déconcerté, Bernard répliqua, sarcastique, « Il est donc comme les malfaiteurs, il craint trop de publicité. Et d'abord je ne gueule pas. Si je gueulais, comme vous dites, ce serait bien autre chose. Voulez-vous que j'essaye ?»« C'est bon, » coupa le tabellion. « Es-tu sûr au moins que nous soyons seuls ?»« Dame, je suppose. » « Si vous voulez cependant que je vérifie, en moins d'une heure, j'aurai sonné tous les coins et recoins. » Maître Tapabord s'adoucit. « Bougre d'animal !»« Avec lui, on ne sait jamais s'il se moque ou s'il est sérieux. » Cependant, le moment n'est pas à la plaisanterie, puisque cette brute de Delphin est au lit pour quelque temps. Il te faudra continuer la besogne tout seul. « Je ferai de mon mieux. » « Parfait. Mais dis-moi, est-ce certain qu'il s'est blessé lui-même »« Qui voulez-vous que ce soit ?» Pour sûr que je ne puis répéter que ce qu'on dit, vous comprenez que je n'irai pas directement aux nouvelles. Évidemment. Mais il y a dans ta conduite quelque chose qui n'est pas clair. Il se plaint que tu lui mettes des bâtons dans les roues. Bernard protesta. Tel se gratte une dent qui gémit ensuite d'y avoir mal dedans. Delphin aussi a de ses imprudences. L'ingénieur n'entendit pas le membre de phrase. Le soir de l'arrivée. Et ses sondages mal dissimulés, à tort et à travers. Ce n'est pas en criant très haut que l'on prend les oiseaux. Et le Delbon se doute-t-il de quelque chose ? On ne peut pas dire que non. On ne peut pas dire que oui. Il ne me garde pas comme une dame de compagnie. Tapabord s'impatientant, il va un peu la voix. Enfin, sais-tu s'il s'est mis à l'étude des ouvrages de la bibliothèque ? N'entreprend-il pas des explorations dans des lieux où il ferait mieux de ne pas se promener ? S'il les entreprend, il ne m'avertit pas. Tapabord s'impatienta davantage. C'est entendu, mais si je te paye, ce n'est pas pour attendre que l'on t'avertisse. C'est au contraire pour prévenir et me prévenir. Voyons, comment occupe-t-il ses journées ? Que fait-il ? Oh, pour cela, je puis exactement renseigner monsieur. Il se lève, il lit ses journaux, il fume, il déjeune, il lit encore ses journaux, il fume encore. Quand le temps le permet, il se promène. Il dîne, il va se coucher. Tapabord s'emporta. En quoi veux-tu que ça m'intéresse ? Bernard répliqua placidement. Pourquoi monsieur me le demande-t-il alors ? Tapabord semblait s'énerver. En attendant, le temps passe, et je ne suis pas plus avancé qu'au premier jour. Pourquoi a-t-il fallu que ce Delmon de malheur accourt pour entraver les recherches ? Je n'ai cependant pas à me reprocher de l'avoir prévenu. Il commence à me taper sur les nerfs. Si l'on avisait aux moyens sérieux de lui faire prendre la fuite, Bernard prévint. Des menaces. Qui tape sur une cuirasse d'acier risque de se blesser le poing sans la cabosser. Un attentat, on n'est pas sûr de réussir. Et Lou qui n'est pas mort, « souvent mort. Je connais son caractère. Ce n'est pas avec la peur qu'on l'entamera. » Le tabellion consentit. « Peut-être. Mais la ruse réussit avec les individus contre lesquels échoue la violence. Qu'ils le veuillent ou non, nous l'obligeons bien à vider les lieux. Avisons. »« Bien. » Bernard objecta. « Il vaut peut-être mieux ne pas nous risquer à ce qu'ils nous rencontrent ensemble, si d'aventure ils rôdaient par là. Sortez le premier, je vous suis. Je vous rejoindrai au moment opportun. » L'un après l'autre, à 2 ou 3 minutes d'intervalle, les complices se retirèrent. Alors, une apostrophe virulente s'échappa des lèvres de l'ingénieur. « Canaille !» Chose extraordinaire, cette exclamation éveilla en guise d'écho dans l'ombre comme une sorte de bruissement d'étoffe. Non loin de là, quelqu'un remuait dans les ténèbres du confessionnal. La porte s'en ouvrit tout doucement et Perrette Limoz parut. « Perrette Limoz, le petit chaperon rouge !» Elle vint à Delbon, à pas rapide, très émue. Et toute la fureur de l'ingénieur fondit du coup comme neige au soleil. Elle était ravissante dans le clair-obscur. Il semblait qu'elle se diffusât dans l'arôme d'ambre léger qui l'enveloppait. Contrairement à son habitude, elle ne plaisanta pas cette fois. « Il y a, dit-elle, dans cette chapelle, des surprises d'acoustique. J'ai pu me blottir dans un véritable poste d'écoute, et nous étions 2 à entendre. À votre place, monsieur Delbon, je me méfierais sérieusement. » Il cherchait un prétexte à la retenir. Il n'en trouvait pas. Alors elle lui tendit l'extrémité de ses doigts. « Au revoir !» Il tenait la menotte dans une prison, dont il adoucissait de son mieux la rigueur. S'aperçut-elle de la prévenance ? Il sentit que les doigts souples glissaient, s'échappaient, et elle revint sur sa formule de salut. « Adieu !» Elle n'était déjà plus auprès de lui.